go they rise any time me and fall. Baba they my back and it's not my fault. And all the battles that I've been through I won. Even in my lyrics you can't tell my worth. Even in my lyrics, you know they can't tell when they see me. Say I know need CV. Anytime I pull up on the TV, I dey put them in the feeling. You know they can't tell when they see me. Say I know need CV. Anytime I pull up on the TV, I dey put them in the feeling. I don't see many things. Souvent tu doutes, tu te dis merde, je suis en brousse. Tu sais que les gens te guettent, mais tu prouves. Les gens aussi ne savent pas ce que t'éprouves. Mais t'es un homme difficile que tu trouves donc. Tu rigoles, mais dans le fond, t'es en rôle. Tu fais tes bails et t'attends que ça décolle. Shogun, Bazarov, nom de code. La vie, c'est la plus grande des écoles. J'écris mes lyrics, mais mes yeux sont ailleurs. Je suis sûr que la vieille est fière de ma carrière. Souvent, je veux leur faire mal, mais c'est pas bien. On a fait le tour du monde, c'est pas rien. Toujours focus dans l'esprit, c'est pas même chose. Tu sais que ça sera bon, mais tant qu'elle prend l'eau. Tu es fort, je check les nuages dans le hulot. Les trophées n'ont pas fini de remplir mon salon. You know they can't tell when they see me. Say I know need CV. Anytime I pull up on the TV, I dey put them in the feeling. You know they can't tell when they see me. Say I know need CV. Anytime I pull up on the TV, I dey put them in the feeling. I don't see many things, and I know that's the power of something. J'ai pas dit que je suis parfait. Ce qui est sûr, c'est des bancs.